Julie Collet au micro avec vous à Bouquin Confidence pour vous accompagner pour la prochaine heure. Bouquin Confidence, c'est très simple, on discute des coulisses du monde du livre. Et cette semaine, pour m'accompagner, j'ai Antoine Tanguay des éditions Alto. Bonjour Antoine. Bonjour Julie. Donc, les éditions Alto, est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? C'est fondé depuis 2005? Fondé en 2005, ici à Québec. En fait, plus précisément, sur la rue Lavillière, dans Saint-Jean-Baptiste. Oh. Je le précise parce que ça a été fondé chez moi. Et les cinq premières années, ça a été donc chez moi jusqu'à ce qu'on ouvre un bureau sur la rue Saint-Joseph. Donc oui, fondé en 2005. En fait, ça coïncide avec la publication de Nikoski, de Nicolas Tickner, qui est donc le premier titre de la maison. Depuis ce temps-là, 13 ans, 140 quelques livres, des romans principalement, quelques coups de cœur, des livres un peu inclassables, mais des livres tous faits à Québec. On n'est pas beaucoup dans l'édition à Québec, alors tant mieux, je compte bien y rester là. Mais voilà, donc fondé en 2005, 13 ans déjà. Donc, tu parlais principalement des romans, mais dans les livres inclassables, moi, je sais que j'ai beaucoup aimé Révolution. Oui, qui est vraiment un livre inclassable d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, Révolution, c'est Dominique Fortier, auteur entre autres du Bon usage des étoiles, plus récemment Au péril de la mer, qui a gagné le gouverneur général, qui est un auteur qui est fasciné par l'histoire, qui a un sens du récit bien à elle et qui réussit comme ça à amener des projets un peu fous, dont le projet de Révolution. Elle a approché Nicolas en secret, mais elle m'en a pas parlé. Et donc, le projet était de se donner le défi pendant un an de suivre le calendrier révolutionnaire de 1793. Il faut se souvenir que à la Révolution, les têtes tombent, celles des saints aussi, et on abandonne le calendrier traditionnel. Et on le remplace par un calendrier ouvrier, paysan, donc les bonnes vieilles valeurs du travail sont mises de l'avant, avec des mots comme carotte, cyprès, charrette et tout ça. Donc, et dans un système quand même, à nos yeux, compliqué, où on a... Donc, des saisons... En fait, c'est un autre calendrier complètement assez étrange et assez évocateur, très, très poétique. Et donc, il est abandonné très rapidement, ce calendrier-là. Sauf que Dominique est fasciné par cette histoire-là. Il se dit, eh bien, si on recevait à chaque jour, selon le calendrier donc révolutionnaire, un mot. Et Nicolas et Dominique, chacun de leur côté, avaient à produire une entrée. Mais on peut pas faire une année, comme il le dit souvent, on peut pas faire une année en parlant seulement de carottes. Donc, c'est absolument impossible. Alors, le mot peut être, je dirais, la bougie d'allumage d'une réflexion sur autre chose. Il y a des textes qui se poursuivent à l'intérieur de ce livre-là, qui finalement est devenu une espèce d'ovni, ou ce que parfois on peut dire un olni, un objet littéraire non identifié. Une espèce d'objet qui effectivement ne rentre pas dans le cadre traditionnel de l'édition telle qu'on la pratique aujourd'hui au Québec. Et à partir de ce moment-là, c'est parfait pour moi. Moi, ça me va. Il fallait prendre le risque de faire ce livre-là. Cela dit, je lui ai apporté une petite touche que j'ai proposée à Dominique et Nicolas, c'est de faire un tirage unique de 1793 copies, donc numérotées, et puis très, quand même assez rapidement épuisées, et de ne jamais réimprimer ce livre-là. Donc, vraiment mettre de l'avance ce caractère unique et aussi de le soigner aussi dans sa production, essayer de faire un petit clin d'œil à la production des livres. C'est un beau livre. Et tout ça. Donc, ça faisait un joli bouquin. On a eu beaucoup de plaisir à faire un bouquin qui finalement n'était pas, encore une fois, dans la politique habituelle des éditeurs, c'est-à-dire celle de produire un livre, faire du profit avec un livre. Là, pas du tout. C'était vraiment... Il y a plusieurs projets comme ça chez Alto qui sont des projets qui montrent que ça va au-delà d'être un simple diffuseur de livres et un producteur de livres. Et c'est important, je pense, de faire ces projets-là parce que ça dénote une certaine forme de plaisir et un goût du risque et une envie de tout simplement passer des textes qui vont au-delà du caractère marchand du métier d'éditeur. Et Révolution est disponible en version numérique. Oui, mais oui, c'est ça. Numérique. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas les éditions numérotées. C'est un petit peu moins charmant. Non, ça, c'est sûr. Parce que c'est vraiment un très beau livre. Moi, je suis chanceuse. J'ai une des copies que je me suis achetée pas mal quand il est sorti. J'ai réussi à en avoir une, mais c'est ça, maintenant, c'est introuvable. Ça a pris à peu près un an, je pense, avant qu'on l'épuise. Et il faut comprendre aussi que c'était tellement particulier. Il ne faut pas le lire comme un livre fini ou édité. C'est un livre qui a été créé sous l'impulsion, donc il y a eu à très, très peu d'éditions dans ce texte-là. Ça aurait été un peu triché, je pense, que d'éditer ce livre-là. Il fallait garder ce caractère brut et impulsif du texte à l'origine. Tu ne peux pas tricher lorsque tu tiens un journal. Toucher à des entrées de journal, je trouve ça toujours un peu sacrilège. Cette impulsion-là, on n'était peut-être pas très en forme ce matin-là. Ça, il faut le respecter. Donc, c'est un livre imparfait. Il y a de la beauté dans l'imperfection des livres. Oui, tout à fait. Puis moi, je trouve ça chouette comme livre. Quand je le présente à des gens, souvent, je leur fais lire le premier mots, en fait, qui ont choisi la première journée, c'est le raisin. Oui. Et Nicolas Duckner, il dit que le raisin, c'est vraiment le fruit plate au IGA, tout le temps comme trop. En fait, c'est le yes man de l'épicerie. C'est ça, tu sais, c'est comme... En tout cas, l'espèce de fruit, genre, c'est ça qui est là chez IGA en spécial. Puis oui, ça, qui commence à longueur comme d'année, il est à 3,99, 2,49. Jamais tout à fait bon ou délicieux ou plus de saison qu'un autre. Non, le raisin est toujours là pour... aplatir vos repas, si ouais, c'est que ça, c'est un livre qui est vraiment intéressant. Sinon, il y en a plein d'autres. Moi, je le confesse au micro, c'est pas la première fois. Je le dis, t'es là, mais je le dirais même si t'étais pas là. Alto, c'est une maison d'édition en laquelle j'ai confiance. C'est gentil, c'est précieux, ça. Mais je dis pas ça pour être gentil, je dis ça parce que je le pense. Souvent, je trouve qu'il y a quand même un certain saut de qualité. Je recommande des livres, souvent, j'en ai lu plusieurs. Et même ceux que j'ai pas lus, je suis prête à les recommander quand même en disant que je ne l'ai pas lu, mais que je sais un peu c'est quoi l'histoire ou que quelqu'un m'en a parlé. Même au niveau de la traduction, Dominique Fortier a fait des belles traductions. Oui, tout à fait. En fait, ce que tu mentionnes là, ça me saute aux yeux peut-être plus de façon plus forte dans les derniers temps parce qu'on... Et en fait, ça arrive surtout dans les salons. Il faut comprendre qu'à Alto, je suis vraiment pas tout seul. Il y a Tania Masso et il y a Chloé Legault qui est avec moi. Donc, avec ces deux filles-là, on a pu développer un réseau à travers les salons et faire comme ça tous les salons du livre du Québec. C'est à peu près 9 ou 10, si je me souviens bien. On part de l'Abitibi jusqu'à la Côte-Nord. Et au fil des ans, ça fait déjà quelques années qu'on fait ça, ça nous a permis de rencontrer les lecteurs, les lectrices. Et ces gens-là sont devenus vraiment des complices. Et au fil du temps, en fait, je pense à Montréal l'année passée, j'ai rencontré des gens qui collectionnent les titres d'Alto. Puis ça m'a vraiment, ça peut scier les jambes. C'est très flatteur parce que moi, j'en ai pas écrit un. Il faut comprendre que là-dessus, je suis vraiment un producteur ou à tout le moins un espèce de directeur de la programmation, si on veut. Donc, je choisis des textes, mentionnais les traductions. Les traductions, il y a un choix énorme, tant au Canada anglais qu'à l'étranger. Là, mon travail s'apparente plus à un travail de libraire, c'est-à-dire que je vais sélectionner quelque chose que je vais apporter au public québécois, ou parfois que je vais sélectionner dans le catalogue d'un collègue français que je vais amener ici sous édition québécoise. Ça, c'est deux choses. Donc, tout ça pour dire qu'au fil des ans, les gens sont devenus extrêmement fidèles et que, à force de promotion et à force de dialogue, surtout avec les lectrices et les lecteurs, on s'est rendu compte que ce que tu mentionnais là, si c'est un Alto, il y a une marque de confiance qui s'installe. Donc, ici, on parle d'une image de marque. Et ça, s'il y a une réussite en 13 ans, qui n'est pas nécessairement synonyme de rentabilité, de profit, de succès, d'argent. Là, n'est pas la question. Je pense que la littérature est tout ça. Mais le fait que quelqu'un vienne à vous dans une espèce de labyrinthe de nouveautés en librairie, que les gens s'abonnent à votre infolettre, qui vous suivent, qui vous aiment sur Facebook, qui vous suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, là, vous avez une vraie communauté. Et à partir de ce moment-là, le rêve un peu de jeunesse de voir des maisons d'édition comme Minuit, José Corti, qui ont des signatures extrêmement distinctives, souvent des très petites boîtes. Ici, La Peuplade, de Cartanier, par exemple, ont cette image-là. On sait que c'est un Cartanier, on sait que c'est une Peuplade, c'est un Cheval Doux. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas ça chez les plus grands éditeurs, mais ce particularisme des petites maisons d'édition, il est précieux parce que, moi, il est inspiré de... des petits cafés, des marchés locaux, des entreprises locales qui, sur le coin de la rue, tu as quelqu'un qui va vendre des épices, tu as quelqu'un qui va être un fleuriste, par exemple. Eh bien, il y a des gens qui vont venir de loin pour aller là. Et Mathieu Simard, récemment, qui donc a intégré le catalogue avec Ici ailleurs l'année passée, était en salon, il y a quelqu'un comme ça qui ne connaissait pas Mathieu, qui a acheté son livre, et qui en achète un autre, puis Mathieu lui pose la question, mais pourquoi? C'est un Alto, je vais aimer ça. C'est pas une garantie. Je précise quand même que j'ai pris des risques parce qu'il faut prendre des risques, sinon on se répète à toutes les saisons. Bien, c'est sûr que c'est pas une garantie dans un sens parce que moi, il y a un livre que c'est sûr que je lirai jamais dans votre catalogue, c'est Troupe 52. Ben ça, c'est un des risques. Ben, c'est un des risques parce que ça, c'est un livre d'horreur que des gens m'ont... Mais c'est un excellent livre d'horreur. Il oui, est mais bien moi, dégueulasse. Non, mais ça, mais moi, je peux pas lire ça. Je survis pas. Là. Non, il est plutôt. C'est ça. Puis il y a quelqu'un rough. Que. Oui, mais t'es recommandé, entre guillemets, plusieurs fois pour mes lecteurs, en fait, pour mon blog. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, moi, j'adore les livres d'horreur, je suis capable d'en prendre, puis ça. Puis il dit, j'ai lu ce livre-là, j'étais pas capable de manger mon dîner. Ah oui, oui, non, non, moi, effectivement, je me suis dit, c'est sûr, ça sera jamais pour c'est moi. C'est un livre très dur sur l'estomac. Puis c'est drôle que tu mentionnes Troupe 52, parce que quand j'ai décidé de publier Nick Cutter, qui est aussi connu sous le nom de Craig Davidson, et qui, il faut dire, Craig Davidson est une figure très respectée de la littérature canadienne-anglaise, mais lorsqu'il lit Nick Cutter, il se fait plaisir, puis il se lâche, excusez-moi l'expression, mais il se lâche lousse complètement. Et cette notion-là de l'excès chez Nick Cutter, elle était. Pour moi, c'est important parce que, oui, je viens de l'horreur, je viens de Stephen King, de Clive Barker plus particulièrement, et c'est ce que je lisais quand j'étais petit. Et je me suis rendu compte que, outre quelques grands noms, il y a finalement relativement peu de choix et peu d'auteurs de qualité dans la littérature, je déteste ce terme-là, mais dans la littérature de genre, que ce soit le fantastique ou l'horreur ou la science-fiction. Et donc, je me retrouve avec une maison, par exemple, comme Alire, qui fait très bien son boulot, et là, je ne vais pas faire du Alire. Là, à ce moment-là, j'ai vraiment sélectionné quelque chose qu'Alire n'aurait peut-être même pas fait. Mais dans la maquette, dans la façon de parler du livre aussi, il faut dire que j'ai un peu averti les gens. Mon rôle, c'est comme ça que j'ai adopté en 2015, le titre éditeur d'Étonnant, donc des apostrophes étonnants. Donc, je publie de l'étonnant. Ça veut rien dire, ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'à chaque saison, mon rôle, c'est de trouver quelque chose de surprenant, de ne pas m'asseoir sur mes lauriers, de me remettre en danger. Ça, c'est très important. Donc, Troupe 52, c'était un danger. D'ailleurs, on a suivi avec Little Heaven, qui fonctionne super bien, parce que, et là, c'est un des paris, je pense, qui est réussi, c'est d'avoir une adhérence à dans ce cas-ci, c'est une adhérence plutôt visqueuse, à l'œuvre de Nick Cutter et littéralement, ce qu'on appelle en anglais un fanbase. Faut dire que Patrick Sénécal, à qui j'ai fait lire le livre, a adoré, et Patrick fait énormément de ventes de ce livre-là au Salon du Livre parce qu'il conseille beaucoup. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça s'est fait par le bouche-à-oreille, qui est à peu près la meilleure publicité qu'on peut imaginer. Et c'est un lectorat autre que je suis allé chercher. Donc, peut-être que des gens qui ont lu Troupe 52, j'ai pas nécessairement de titre d'horreur, mais si vous aimez les livres curieux, des livres qui font voyager, des livres qui vous transportent, des livres qui sont un peu étranges, des livres qui... je sais pas moi, vous surprennent et vous désarçonnent, OK, il y a des chances que ça soit chez nous. Je reviens un petit peu sur les débuts d'Alto. Tu disais tantôt que la maison s'est fondée grâce au livre Nikolsky de Nicolas Dickner. Pourquoi tu as eu envie de fonder une maison d'édition? Au-delà de... C'était Nicolas, là. Au-delà de ça, fonder une maison d'édition? J'ai fait beaucoup de métiers du livre. J'ai été libraire, j'ai été dans les boîtes de com, j'ai été de la première équipe, en fait, l'équipe qui a lancé le journal Le Libraire, qui est devenu Les Libraires, en 99, si je me souviens bien. J'ai été derrière ce même micro, peut-être pas le même, parce qu'il serait peut-être pas en bon état, ici à CKRL pour La Vie en prose, donc dès 1998. J'y étais avant depuis 94, mais donc j'ai piloté ce magazine littéraire-là. Et il faut dire que ça a commencé un peu à CKRL, même beaucoup, parce qu'il y a un auteur que j'ai rencontré ici, mais c'était à l'époque où CKRL était situé sur le boulevard René-Lévesque, sur la Grande Allée, pas le boulevard René-Lévesque, mais bien sur la Grande Allée, juste en face du musée des Beaux-Arts. Et donc j'ai rencontré un certain Serge Lamotte. Lui, auteur de Québec, et c'est devenu une amie. Et il faut dire que en côtoyant des gens comme Serge au fil des ans, je me suis rendu compte, bon, j'avais des échos un peu du monde du livre. Les gens me disaient, mon éditeur fait ci, mon éditrice fait ça. J'ai pas le droit de parler, de proposer ma couverture. Je me suis rendu compte que un peu, j'ai pu savoir un petit peu plus sur les us et coutumes de l'édition. Donc, j'ai animé un salon du livre, j'ai fait de la pige pour Le Soleil, j'ai été à Radio-Canada, j'ai fait énormément de choses qui gravitaient toujours autour de la planète livre. Et un soir bien arrosé, avec Serge Lamotte, qui publie un texte qui s'appelle Les Baldwin, à l'instant même, on a comme ça travaillé sur son texte. Et il y a eu une étincelle, si on veut. Il m'a dit, tu devrais partir de ta maison d'édition. Et j'ai dit, non, il y a déjà, de toute façon, dans le paysage éditorial québécois à cette époque-là, on est en 2004, il y a déjà énormément de gens pour lesquels j'ai beaucoup de respect, puis je pense pas qu'une nouvelle maison d'édition apporterait quelque chose de significatif. Cela dit, je dégrise un peu et je reviens de Montréal à Québec, et j'ai parlé à Guy Champagne, éditeur de Québec, des éditions Nota Bene, et je lui ai proposé. Et j'ai dit, écoute, j'ai eu un flash, je pense que je vais faire un secteur québécois, canadien, anglais et étranger, selon les modèles, comme j'avais une connaissance de comment l'édition fonctionnait, puis les livres et tout ça. J'ai dit, voilà ce que, si j'avais à en construire une à ma façon, ça ressemblerait à ça, voici grosso modo le plan d'affaires. Et la une des premières personnes que j'ai appelées, parce que je travaille sur les traductions aussi, c'est Nicolas Dickner. Et donc, on a travaillé ensemble pendant quelques mois sur Nikoski, qui est paru le 11 février 2005. Et ben, de là, voilà, les bases sont restées les mêmes. Nikoski est devenu un peu la carte de visite de la maison, mais la maison, l'impulsion initiale de la maison, c'est-à-dire de surprendre et de ne pas être là où on nous attend, ou à tout le moins ne pas aussi se substituer à des maisons que je respecte et que j'admire, Boréal, Lumière, Québec, Amérique, Fidesz et tout ça, ce sont des gens qui font un très très beau travail. Ce serait tout à fait injuste et illogique pour moi que d'essayer de rentrer sur le même territoire, surtout pas au Québec, parce que c'est un territoire qui est très, très petit. Ben voilà, donc, cette idée que, finalement, de journaliste à libraire, à attaché de presse, à chroniqueur, à la télé ou à la radio, ben, le métier d'éditeur n'est pas très, très loin. C'est un métier de passeur aussi, donc, finalement, c'est devenu un métier. Mais c'est un métier accidentel. Il faut préciser que je n'ai pas étudié en édition. J'ai un bac en littérature. J'ai un certificat d'enseignement. Je n'ai jamais enseigné. Mais parce que j'ai été dans la médiation très rapidement. Donc, j'ai tout de suite été dans la passation des livres, soit par des chroniques, soit par des émissions. Ben, finalement, ce n'est pas très éloigné. Ce que je fais, c'est je fais une sélection. J'utilise les outils que j'ai gagnés au fil des ans de communication, de marketing, de design, etc. Puis, j'ai improvisé une maison. OK. Et ça a marché. Est-ce que tu écris, toi? Pardon? Est-ce que tu écris? Si je lis? Écris. Ah, si j'écris. Oh, excuse-moi, c'est le... Il n'y a pas de problème. Le retour du micro est un peu bas. On est là à radio, on a l'impression qu'on ne s'entend pas. En fait, il y a une vitre qui nous sépare. Mais non. Est-ce que j'écris? J'ai déjà écrit. J'ai commis des textes plus tôt. Très rapidement, j'ai... que je l'ai abandonné, c'est comme si le temps manquait. Je préfère être dans la position de justement de passeur et d'accompagnateur. Il est vrai, je l'avoue, que j'ai tendance à être quand même très intrusif dans les textes, pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'il faut dire que comme j'écris pas, encore une fois, cette notion d'imposture, si on veut, elle est un peu lancinante dans ma tête. Qui suis-je? Donner un exemple précis, pour dire à Larry Tremblay, par exemple Laurent Jeret, ou un livre que j'aime beaucoup, le Christobès, qui est extraordinaire, c'est le premier livre avec lequel j'ai travaillé avec Larry, ben, j'étais impressionné. C'est Larry Tremblay, c'est un dramaturge très, très connu, peut-être moins connu comme romancier, mais quand même, vraiment, c'est toute une pointure. Et lorsqu'on rencontre Larry, on se rend compte que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il réfléchit, il travaille extrêmement bien. Et là, moi, j'arrive un peu petit cul à 37-38 ans à ce moment-là, Et je dois dire à Larry Tremblay, excuse-moi, mais ton chapitre 3, il est mauvais. Il doit être recommencé, je ne dis pas ça comme ça. Mais n'empêche que cette idée de diriger, alors cette notion de crédibilité c'est vraiment une question de crédibilité. Il faut, alors, la position de l'éditeur telle que je l'ai tricotée, je le précise, fait que n'ayant rien écrit, toujours, je vais proposer les choses. Je vais proposer les choses qu'en tant que lecteur, j'aimerais lire, si on veut. Et souvent, je vais travailler beaucoup la mécanique des textes, je vais faire des propositions en disant tu commences comme ça, ici tu commences comme ça. Donc, c'est mieux d'interroger le texte, quitte à compléter les phrases, et même parfois, c'est là où c'est intéressant, ça devient un véritable dialogue. Je donne un exemple très rapide, il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, avec Charles Quimper, pour un texte qui s'appelle Marée Montante. Charles, c'est un auteur d'ici. Ben, comme c'est quelqu'un au Québec, on s'est vu le soir, comme ça. Et comme son texte parle de deuil, c'est un père qui perd sa fille, qui ne revient jamais, il ne la retrouve pas. On a parlé pendant peut-être 1 heure ou 2 de simplement ce que c'est. Dans ce cas-ci, c'est la petite fille qui part dans l'eau et il ne retrouve pas son corps. Qu'est-ce que c'est la première soirée lorsqu'on perd un enfant? Comme ça, qu'on revient chez soi et qu'on regarde dans le rétroviseur et qu'on voit le banc de bébé vide. Et cette image-là du banc de bébé vide, elle était très, très forte. Et comme moi, je suis papa, Charles aussi, on discutait de comment est-ce que cette force-là, c'est un texte qui est extrêmement puissant, Marée Montante, comment pas le rendre larmoyant, comment le rendre universel dans une certaine mesure. Alors, en fait, on espère d'être le plus universel possible. Et donc, à partir de ce moment-là, d'être pertinent aussi, et de toucher les gens le plus précisément et le plus uniquement possible. On a parlé comme ça pendant 2 heures de qu'est-ce que c'est que de revenir chez soi. Est-ce qu'on s'endort facilement? Et quand on se lève, le lendemain d'un deuil, en fait, on parle très rarement des lendemains. Lorsqu'on perd quelqu'un, un ami, un parent, un chat, un oiseau, un jouet. Lorsqu'on est en mode perte et que le sommeil vient vous offrir une forme de pause pendant quelques heures, on se lève et la première chose qu'on pense, c'est tout de suite la perte. Pour quelques jours du moins, pendant que le processus de deuil ou de, à tout le moins de perte s'enclenche et finalement, ça disparaît tranquillement. Alors, on n'était pas en train de faire des virgules, là. On était en train de discuter comment est-ce que ce texte-là, lui, Charles, pouvait revenir chez lui, s'en inspirer et dire, bon, ben tel mot serait plus juste que tel autre mot, telle image est un petit peu trop forte, j'appuie un peu trop ici, j'insiste, je pense que le lecteur est jamais... toujours pensé que le lecteur est vraiment pas niaiseux, il faut le laisser déduire, quitte à parfois laisser des... je préfère laisser des plus grandes trouées, quitte à larguer un peu le lecteur. Puis je dis « je », c'est pas moi. Encore une fois, c'est celui qui est assis en face parce que c'est tellement un travail de face, suivi d'un travail éminemment solitaire, que oui, il y a beaucoup de moi à travers les textes. Mais moi, j'existe pas. Ces textes-là, je les fais juste apparaître de par mon métier. L'impulsion, la finalité, le ton, la couleur finale, tout ça, ça appartient à l'auteur. Mais c'est vrai que dans une perspective plus globalisante sur le travail éditorial, je mets le nez là où je ne devrais pas souvent. Donc, ça, c'est une de mes particularités, mais il faut dire que chaque auteur, à chaque texte, je m'interroge surtout qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux être utile à ce texte-là? Et qu'est-ce que je vais lui apporter, en fait? Donc, ça se négocie dès le départ. Parce que j'apporte une petite précision oui. pour les auditeurs. En fait, toi, comme éditeur d'une petite maison d'édition, tu agis aussi comme directeur littéraire. Oui, je suis pas mal à matoufage. Oui, bien, c'est ça. Mm-hmm. Parce qu'on en a déjà discuté ici de direction littéraire et on disait que justement, le directeur littéraire est là pour apporter un autre regard sur un texte, d'accompagner l'auteur, mais c'est pas tant... dans le fond, c'est l'auteur quand même qui reste maître de son texte. Dans le sens que oui, tu sais, il y a quand même des choses qu'on peut apporter. On peut apporter des nuances ou peu importe parce qu'on voit pas... Quand c'est notre propre texte, on le voit pas de la même façon que quand c'est quelqu'un extérieur. Donc, exactement. Toi, t'es le regard extérieur et en même temps, ben, t'as aussi le chapeau de la personne qui va vouloir le publier puis en faire la commercialisation puis tout ça. C'est que c'est sûr que ça te fait différents chapeaux, mais... C'était beaucoup ton rôle de directeur littéraire que tu expliquais dans les dernières minutes. Ben, c'est ça, c'est une des parties. C'est pour ça que j'écris les quatrièmes de couverture aussi. Pas toujours, en fait. Là, maintenant, j'ai de plus en plus d'aide, Dieu merci. Moi, je vais faire la couverture aussi. Donc, ça aussi, c'est une négociation avec l'auteur. Mm-hmm. Je me garde une forme de veto, j'avoue. Mais je pense à le prochain qui s'en vient, donc un des prochains qui s'appelle Faune de Christian Vadnais qui reste à quelques rues d'ici dans le Limoilou, oui. Que tu connais peut-être. Je connais. Christiane, elle a travaillé longtemps sur ce texte-là. En fait, c'est son mémoire de maîtrise ici à l'Université Laval. Et donc, elle l'a déposé. À cette époque-là, elle faisait du remplacement chez nous, remplaçait Tania qui a eu une petite fille. Et puis, elle l'a déposé, mais j'ai fait exprès, je l'ai soumis sous pseudo. En fait. Donc, elle l'a soumis sous pseudo. Ça m'a permis d'avoir quand même une certaine distance. Et pas plus tard qu'il y a quelques minutes, je lui ai envoyé les dernières notes sur un des textes qui... Moi, j'arrive pas trop à le saisir. Je lui ai envoyé des notes. On se parle demain matin. On a travaillé comme ça pendant quelques semaines. Et éventuellement, Caroline Georges, qui est donc l'auteur de Synthèse et de Sous-Béton, c'est elle qui va prendre le texte. Dire que j'ai décidé de créer un binôme entre Caroline et Christiane pour que Caroline, qui a un autre regard, une autre façon de concevoir le phrasé, la stylistique, le rythme, quelqu'un qui est très fort en rythme, je pense qu'ils vont bien s'entendre. Et là où ma compétence s'arrête, celle de Caroline continue. Donc ça, je vais faire ça de plus en plus parce que je ne peux pas être utile à tous les textes. Que je défends, c'est tout à fait normal. Il y a certains textes que j'aime plus que d'autres, peut-être, certains diront, mais c'est pas vraiment aimé. C'est-à-dire que je juge toujours un texte par qu'est-ce qu'il veut faire et dans quel point, jusqu'à quel point il a atteint son objectif. Et ça, c'est hyper important parce que il y a moi, l'éditeur. Okay? Mmh. Et si je faisais seulement des livres qui plaisent à moi, je serais probablement pas ici, je serais déjà en faillite. Parce que c'est un métier du compromis aussi à partir d'un moment. C'est pour ça que j'ai jamais... Ça, c'est hyper important dans la définition d'Alto. J'ai jamais... Je ne suis jamais tombé dans le jugement de la grande versus la petite littérature que je dis des fois. Ça, c'est grand public. Ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est qui ça, monsieur, madame, tout le monde? J'ai jamais trop compris c'est quoi ça. Je trouve ça assez... c'est réducteur un peu. Donc, je suis pas là pour mettre des étiquettes. Je ne mets jamais de genre sur mes livres. Je ne mets jamais, s'il y a du fantastique, bah OK, il y a du fantastique, c'est pas grave. C'est écrit en quatrième de couverture. Je ne vais pas écrire ce livre contient du fantastique. Mais n'empêche, s'il y a des impossibilités, on va dire, qui sont contenues dans le texte, comme dans les textes de Martine Desjardins, par exemple, La Chambre verte ou Maleficium, et bientôt La Méduse, ben à partir d'un moment, c'est correct. Les gens qui écoutent Game of Thrones, qui sont emportés par cette série-là qui est phénoménale, il n'y a pas de problème. C'est une forme de fantasy. Alors, mais c'est pas un problème. Ils viennent me voir et disent « Ah, moi, tu sais, la science-fiction, j'aimez-vous Game of Thrones? » »« Ah oui, j'ai adoré Game of Thrones. » Alors, il n'y a pas un problème de genre. Arrêtez de mettre des étiquettes sur... Tu sais, par exemple, le texte de Christiane, c'est un recueil de nouvelles. Ouh, j'ai dit le mot « recueil de nouvelles ». C'est comme si c'était le genre maudit ici au Québec. Un recueil de nouvelles, ça vend pas. Ça, c'est ce qu'on nous dit, ce que les, entre guillemets, les commerciaux nous disent. Est-ce que c'est dommage, mais c'est ce qu'on voit en librairie. Les recueils de nouvelles se vendent beaucoup moins bien. Alors, est-ce que j'appelle ça recueil? Est-ce que j'appelle ça récit avec un... J'appelle ça rien du tout. Appelez ça ce que vous voulez. J'appelle ça le titre, tout simplement. Ben, à partir d'un moment, je pense que c'est pas à moi d'aller créer des frontières alors que je vis moi-même dans un monde de frontières dès le moment où j'ai un texte à offrir à un public, que je dois le faire passer à travers un tamis médiatique qui est de plus en plus serré et que je dois le dénaturer le moins possible. Je vais donner un exemple très rapidement. La femme de Valence d'Annie Perrault, qui est sortie un petit peu plus tôt cette saison-ci, ce printemps. C'est un fait vécu. Annie a effectivement vu une femme sauter en bas du toit d'un hôtel à Valence. Et pendant un temps, Annie se posait la question, est-ce que je dois le dire que j'ai réellement vu ça et que donc ce texte-là, incidemment, est inspiré d'un fait vécu. C'est une inspiration en passant, parce que c'est vraiment la bougie d'allumage du texte. Le reste, c'est vraiment l'histoire de cette femme et ce qu'elle fait et ce qui reste après. Et c'est d'ailleurs toute la force du texte. Mais, donc elle a dit, OK, je décide de le faire. J'aurais pu dire, ah, ce fait vécu, donc jouer le fait vécu comme carte de visite en premier. Ce qu'on fait extrêmement souvent en littérature, on met le visage à l'avant, on met le vécu à l'avant. C'est pas hyper honnête, je pense. On met beaucoup de d'objets qui vont, si on veut, nous... capter notre attention, mais nous distraire. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est vraiment des distractions, ça. Et donc, dans mon métier, pour revenir à l'histoire du tamis médiatique, ben, il y a tellement d'obstacles. Il y a beaucoup de livres, il y a peu de médias, les gens lisent moins. À partir d'un moment, autrefois, il y a, je sais pas moi, 4 ou 5 ans, c'est pas très loin cet autrefois-là, mais c'est quand même, je vendais de 20 à 30, à presque parfois 40% plus de livres. Oh, OK, Mais c'est pas grave parce que Alto, c'est tellement une petite boîte, c'est une petite structure qui est à l'abri des fluctuations. Il faut comprendre qu'une maison qui a une quinzaine d'employés, par exemple, si vous faites une baisse des chiffres de 10% cette année-là, il y a des chances que quelqu'un perde son emploi. Chez moi, on peut s'organiser, on est trois, on peut essayer de se redresser, on peut jouer sur les tirages, on peut jouer sur la publicité, on a plus de marge de manœuvre. Donc, cette idée de rester petit et de soigner la qualité de chaque texte fait qu'on fait des saisons maintenant à 4, 5 ou 6 livres à peu près, incluant des réimpressions dans un format qui n'est pas un format de poche, mais qui est ce qu'on appelle un coda, qu'on essaie de travailler de plus en plus nos outils de communication, comme le journal Aparté, par exemple, qui prolonge le dialogue avec les gens pour pas leur faire de la pub. Parce que la pub, on en a partout et on en a tout le temps. Mais de dire, si vous voulez aller plus loin, comme Annie Perrault n'a pas pu... Elle a eu une belle couverture médiatique, là, très très belle, mais elle a offert d'emparter un texte qui lève le voile sur les morts subséquentes qui ont mené à celle qu'elle a vue à Valence. Et c'est la dernière ligne de son texte qui est très très beau dans le dernier aparté. C'est un texte inédit, c'est un texte de fiction qui sert d'introduction au livre. Donc, on peut aller plus loin. C'est un peu comme, dans le bon vieux temps des DVD, c'est presque le cas, où on avait la traque commentaire. C'est-à-dire, on pouvait avoir des bonus et tout ça. Le livre offre peu ça. Quand il y a eu le livre numérique, on pensait qu'on allait pouvoir offrir ce genre de matériel-là. Malheureusement, ça a été sous-utilisé ou peut-être qu'il y avait moins d'intérêt pour ça. Mais n'empêche que ça, c'est une autre façon de communiquer avec les lecteurs. Fait que ça, c'est toutes sortes de petites façons qu'une boîte qui est affranchie d'une plus grosse structure, par exemple, comme des boîtes à l'intérieur de plus gros groupes d'édition, ben moi, je peux me permettre un petit peu plus de latitude, puis un petit peu plus de folie, ou à tout le moins des choses différentes. Fait que ça, c'est très important. Je pense que si à chaque saison, j'essayais pas de faire différent ou de remettre en cause, ou de se remettre, comme je disais tantôt, se remettre en péril ou à tout le moins risquer encore, j'aurais tendance peut-être à pas abandonner par dépit, abandonné par lassitude. J'aurais l'impression d'abandonner un combat qui doit être constant, c'est-à-dire cette idée que des bons textes, il y en aura toujours, et que je dois toujours essayer le plus possible d'être enthousiaste et créatif dans ma façon de les apporter aux gens, parce qu'il y a tellement de distractions, pour reprendre ce terme-là, que ce soit votre téléphone, que ce soit Netflix, que ce soit d'autres produits culturels qui sont de très grande qualité et que je dévore, mais le temps qu'on accorde au livre, il est hyper précieux. Il est 15, 20, 25 minutes peut-être par jour, donc ça compte. Alors, on est plusieurs à se bousculer pour l'avoir, ce 15 à 20 minutes-là. Donc, il faut, je pense, être créatif pour essayer d'avoir droit de citer. Et Antoine, je t'arrête un instant parce qu'on a une petite pause à faire. Parlant de publicité, je voyais le temps fini, je me suis dit justement. Justement. Parlant de publicité. Donc, on y va avec une petite minute de publicité et on revient avec Antoine Tanguy.